Y'a du soleil autour du lac Morvin, que retentissent nos voix comme un écho, que rebondissent nos cœurs de bonheur. C'est comme ça qu'on aime la vie, quand voltigent les hirondelles, leur musique nous appelle à surlever un rigolo. Encore le goût bondir à l'unisson. Y'a du soleil autour de la courgue, que retentissent nos voix comme un écho, que rebondissent nos cœurs et le bonheur. C'est comme ça qu'on aime la vie. Et bedondi, bedondi, bedondenne, c'est la bedaine d'eau Félix. Et bedondi, bedondi, bedondenne, c'est le courage des Gaulois. Soleil.